Le dernier arrêt, celui qu'il faut fignoler, stopper le convoi en douceur, comme une ultime caresse au monstre d'acier qui va continuer sa route en d'autres mains. Les semelles crissent faiblement et le TGV s'immobilise lentement sous la lumière du quai dans un long silence étrange. Un ange passe. La sentence tombe. C'est fini. Le trait tiré. Le point émis. Place aux jeunes. Salut, compagnon. Tout va bien. C'est un bon train. Mon dernier, et maintenant je suis en retraite. C'est pas malheureux. Moi, j'en ai encore pour 8 ans à baver. S'ils me la donnent aujourd'hui, je plante mon sac sur place et je leur fais cadeau des prochains repas. Quelle chance, collègue. Profitez-en bien. Et surtout, profitez-en longtemps. J'y compte bien. J'en avais marre de ce boulot. Je vais me la couler douce. Ras-le-bol des traverses et des nuits. Allez, salut et bonne route. Salut, mon vieux.